Oui, des petits problèmes du net, mais tout sera résolu parce que notre Dieu est aussi fidèle. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'il s'est présenté quand il s'adressait à Moïse sur la montagne. Et nous sommes là pour vous parler. Une fois de plus, c'est la 28e journée, 28e soirée, qui prouve que nous sommes sur la bonne voie, la voie du miracle. Parce que ce soir, nous allons parler des miracles. Il y a des choses qui se passent étrangement sur le net. Et je voudrais demander à Maman de nous a prêté des images des faux miracles qui viennent du Nigeria. Et nous pensons que Dieu fait des miracles. Dieu fait encore des miracles. Jésus fait encore des miracles. Nous ne pouvons pas comprendre. Je dis nous ne pouvons pas comprendre, mais on comprend parfaitement que c'est la dernière heure. Et que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui a été infiltrée par rapport à tous ceux qui viennent secouer cette Église pour que l'Église, pour que les hommes et les femmes qui pouvaient croire, qui pouvaient recevoir Jésus-Christ, ne puissent plus le faire. Pourquoi? Parce que les faux sont venus, c'est-à-dire les gens qui travaillent bien sûr avec les Illuminatis, qui travaillent avec les satanistes, avec les sorciers, comme cette femme qui fait le tour des églises au Nigeria et qui a une main un peu recroquevillée, un peu, pas un peu, on ne sait pas ce qui s'est passé sur son bras, mais elle utilisait ce bras d'une manière particulière pour pouvoir, je ne sais pas si c'est pour se faire de l'argent ou bien si c'est pour... Elle est vraiment agent de Satan, un démon en chair et l'esprit. C'est pourquoi je vous demande, on n'a pas commencé avec notre générique comme d'habitude, je vous demande tout simplement de commencer à partager comme d'habitude ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Douala, ceux qui sont en Martinique, ceux qui sont à Bruxelles, ceux qui sont également dans d'autres pays, Côte d'Ivoire, Gabon. Vous pouvez dire exactement où vous vous trouvez, où vous regardez cette émission, qui est une émission particulière. Vous voyez, nous croyons que Dieu fait des miracles, que Jésus fait des miracles, parce que au cours de cette histoire, au cours de son existence, Jésus-Christ avait passé le temps à parler des miracles, à parler des démons, et à parler des esprits impurs. Il a dénoncé l'œuvre de Satan dans le monde. Il a parlé de Satan. Il a dévoilé qui est Satan. Il a dit que Satan est le père du mensonge. Et on a vu également au cours de ces dernières années les mensonges qui, d'une manière ou d'une autre, continuent à être pompés sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme il s'agit des réseaux sociaux, une fois de plus, il y a une plateforme qui est créée. Cette plateforme, c'est pour amener les vrais serviteurs à annoncer l'évangile. Parce que Dieu nous appelle à annoncer l'évangile selon le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous allons parler des miracles. Parce que Jésus-Christ, dans son évangile, Marc a insisté principalement sur le fait que Jésus accordait une importance tout à fait particulière à la défaite de Satan et aussi de ses puissances démoniaques. Dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27, Marc, chapitre 3, verset 27, que nous allons lire d'ailleurs, le verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci au verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. L'objectif de Satan aujourd'hui, c'est d'amener les uns et les autres à blasphémer, amener les femmes, les hommes, les païens et aussi les chrétiens même à blasphémer. C'est pourquoi il envoie les êtres des démons en chair qui se disent serviteurs de Dieu et qui pullulent sur les réseaux sociaux, qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, tous les médias d'ailleurs, les télévisions et autres. On a vu d'abord en Afrique du Sud une fausse résurrection, premièrement. On a encore vu ces dernières années, ces derniers jours, beaucoup d'autres faux miracles. Et surtout, ce qui se passe aujourd'hui, ces derniers jours au Nigeria, où donc plusieurs serviteurs de Dieu, je crois, ou quatre, ont été réellement trompés, ont été, je ne sais pas, où ils participent à ce péché de cette femme. Cette femme, sous peu de temps, elle va mourir, parce que c'est lui qui a joué le rôle du ressuscité en Afrique du Sud. Il est mort finalement. Je ne sais pas si vous le savez. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous allez entendre sous peu de jours, sous peu de temps que cette femme est morte parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par ce genre de bêtises. Et tous ceux qui participent à ce genre de bêtises également vont quitter cette planète, vont quitter les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, les pieds devant, la tête derrière. Pourquoi? Parce que lorsque vous amenez les gens à blasphémer, ils ne seront plus jamais pardonnés. C'est l'objectif de Satan. Que lorsque les faux prennent le devant de la scène au niveau de l'évangile, alors on va cataloguer, on va donc incriminer, on va donc accuser, on va donc blasphémer, on va donc calomnier tous les serviteurs de Dieu qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et les païens et même des enfants de Dieu viendront dire que ce ne sont pas des miracles, ce sont des faux miracles. Parce que quand vous appelez un miracle de Dieu, qui vient du Saint-Esprit, c'est pourquoi Jésus-Christ avertissait ce genre. Et la Bible dit, et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Même les parents ne comprenaient pas ce qui arrivait à leur fils. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Satan connaît bien ce verset. C'est pourquoi beaucoup de personnes, même dans les églises de réveil, sont assises sur les chaises aujourd'hui, ayant déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Beaucoup, Satan utilise les réseaux sociaux. Lorsque j'ai appris au Cameroun, quand je faisais des campagnes au palais des sports, et on diffusait ces miracles, des miracles authentiques. Je sais que Dieu fait des miracles, Jésus-Christ fait des miracles. J'ai vu des personnes malmenées par les démons, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu des gens, des journalistes, des caméramans qui travaillaient dans d'autres chaînes de télévision et qui auparavant disaient toujours que Tchale Samba donne de l'argent aux gens pour pouvoir témoigner, pour pouvoir jouer la scène comme les acteurs tombés et ainsi de suite. Mais alors, ces gens sont venus au palais de sport, là où les campagnes se déroulent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le caméraman qui filmait, le caméraman venait bien sûr de la chaîne de télévision nationale. Il filmait et le journaliste qui l'accompagnait, les deux se sont retrouvés à terre. Auparavant, quand les gens tombaient, ils disaient que c'est du cinéma. Mais après, ils se sont retrouvés à terre et quelques pasteurs qui travaillent, qui étaient dans mon entourage, quelques enfants de Dieu qui connaissaient le problème. Ils ont demandé à la fin de la délivrance, à la fin de la production, de la manifestation de la puissance de Dieu, est-ce que le docteur vous a donné de l'argent? Ils ont dit, cette affaire est difficile à comprendre. On n'a pas compris comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions se retrouver par terre. Ainsi donc, nous devons faire attention. Lorsque Jésus-Christ avertit quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, et il le dit également dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 31, que vous pouvez également lire, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. C'est un avertissement que je donne à tous ceux qui regardent ces trucs sur les réseaux sociaux et qui seront poussés à appeler un miracle venant d'un homme de Dieu authentique et appeler ce miracle que ça vient de Satan. Mais vous connaissez déjà la vérité. Sachez que vous n'entrerez jamais au ciel et que vous aviez commis ce qu'on appelle un péché éternel, impardonnable, le péché de Satan lui-même, parce que Satan est impardonnable. Dieu ne peut plus pardonner Satan. Et Satan pousse. Il pousse les êtres humains. Il pousse les femmes. Il pousse les jeunes. Il pousse les vieillards à blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vous ai donné un verset, chapitre 12. Si maman Dédé peut lire Matthieu, chapitre 12, le verset à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle au verset 31. Et il revient, si nous commençons un peu au verset 25, la Bible dit à partir du verset 25, je vais demander à maman de lire, et vous commencez à partager, que ce soit ceux qui sont au Temple des Nations, actuellement, vous sortez vos téléphones, commencez à partager. Et ceux qui sont dans les églises, sortez vos téléphones, vous partagez, c'est pour une bonne cause. Et après, tu remets ton téléphone dans le sac ou dans la poche et le Seigneur sera avec toi. À un moment donné, comme je le disais hier, voici des preuves sur des émissions qui ont été animées hier et avant-hier. Pourquoi nous devons prêcher l'évangile? Pourquoi nous devons rester sur les réseaux sociaux? Satan s'est accaparé des réseaux sociaux pour pouvoir donc détruire les êtres humains que Dieu a créés. Parce que les vrais serviteurs de Dieu ont abandonné les réseaux sociaux entre les mains de Satan. Nous lisons par la bouche de maman. Matthieu 12, le verset 25, à partir du verset 25, il est écrit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan. Avant cela, maman, tu peux lire à partir du verset 22, parce que c'est là que l'histoire commence, au verset 22. Verset 22, il est écrit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. J'ai vu ça au Cameroun. Un archevêque, l'archevêque qui était à l'époque l'archevêque de Yaoundé, pardon, pas l'actuel qui est là maintenant. À l'époque, l'archevêque de Yaoundé qui était là, j'oublie son nom, et lui qui avait fait un document spécial. Et qui a fait circuler ces documents dans les églises catholiques, prétendant que Tchali Samba fait des pseudo-miracles. Des pseudo-miracles. Et que je ne sais pas quel nom il m'avait donné. Un imposteur. C'est un imposteur. C'est des pseudo-miracles qui viennent de Satan. C'est ce qu'on appelle véritablement le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème. Parce que les pharisiens n'avaient pas la force, n'avaient pas le pouvoir, n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. Et dans la religion, ils sont comme les pharisiens. Ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et tout ce qui passe par ce genre de choses, de manipulation, qu'on a vu ces jours-ci venant du Nigeria, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et ce sont des agents de Satan. Ils travaillent, ce sont des infiltrés. Les gens, quand l'on donne de l'argent, qui se présentent comme des serviteurs de Dieu. Ils ont des grandes assemblées, des assemblées luxueuses, et qui se font appeler des prophètes. Et ces gens-là ont une onction tout à fait spéciale pour la divination. Et la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voici les fruits qu'ils produisent pour amener les uns et les autres à blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que, et la Bible, Jésus-Christ, nous continuons jusqu'au verset 31, maman. Verset 25. Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, et comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? Ils ont dit que Jésus chassait les démons par Belzébul, par la puissance démoniaque. Et c'est la même chose aujourd'hui que Satan pousse, que ce soit, entre guillemets, les religieux, entre guillemets, les satanistes. Ils viennent dans les bus, ils viennent dans la société, et ils poussent les uns et les autres sur les réseaux sociaux à dire que tous les miracles, que les miracles même ont cessé, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme, soi-disant homme de Dieu, dit que les miracles ont cessé avec les apôtres, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas différent. C'est lui qui animait les apôtres. Réellement, c'est le même qui m'anime. C'est le même qui anime les serviteurs de Dieu qui sont réellement nés de nouveau. Je dis qu'ils sont réellement nés de nouveau. Si tu n'es pas réellement né de nouveau, qu'est-ce que j'appelle réellement né de nouveau? Que tu as auparavant identifié la cause de ta condamnation. Et la cause de ta condamnation ne commence pas par toi-même. Ça commence par Adam et Ève. Les gens, les prédicateurs qui disent que les péchés de nos parents n'ont pas d'impact sur nous. Et je me demande où est-ce qu'ils classent le péché adamique? Pourquoi nous mourons? C'est parce que Adam avait péché. Pourquoi nous insultons? C'est parce qu'Adam avait péché. Pourquoi la pauvreté? C'est parce que Adam avait chuté. Et pourquoi la séparation? Pourquoi nous naissons étant séparés de Dieu? Parce que Adam était déjà séparé de Dieu avant la naissance de ses fils. Et de génération en génération, nous vivons dans cette séparation. Nous naissons dans cette séparation. Il faut donc quelqu'un qui doit nous réconcilier avec Dieu. Et c'est Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. Et s'il faut parler de la réconciliation, il faut aussi identifier l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, c'est le péché originel et les condamnations originelles, les malédictions originelles. Y compris également, après la démolition des malédictions originelles, du péché originel, après l'identification, et vous invoquez le nom du Seigneur, le nom du Sauveur. Et c'est à ce niveau que l'apôtre Paul ajoute, quiconque invoquera le nom du Seigneur. On ne commence pas par invoquer le nom du Seigneur. Jésus-Christ lui-même dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. On ne commence pas par invoquer, mais on doit d'abord savoir ce pourquoi on invoque le nom du Seigneur. J'invoque le nom du Seigneur parce que je suis né condamné. Pas parce que j'ai péché maintenant. Parce à cause de mes péchés, non. Je suis né étant dans la condamnation. Je suis né étant quelqu'un qui allait tout droit en enfer. Pourquoi? Pas à cause de mon péché. Parce que c'est ma nature. Et l'apôtre Paul a évoqué cela dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Nous étions morts par nos péchés et par nos offenses. Et il parle de la nature, de notre nature. Je voudrais que ça soit lui également, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, eux-mêmes, avant de prêcher l'évangile, ils n'avaient jamais identifié la cause de la chute. Donc ça veut dire que jusque-là, ils ne sont pas nés de nouveau. Et que l'esprit, je ne peux pas me tromper, je ne peux pas croire que c'est un blasphème. Et si c'est un blasphème, ça veut dire que la Bible, toute la Bible entière est fausse. Toute la Bible entière est fausse. Mais comme la Bible n'est pas fausse, c'est toi qui es faux. C'est toi qui es faux, c'est toi qui vis dans l'ignorance. Si ce n'est pas la fausseté, tu vis dans l'ignorance. L'ignorance à ce sujet, sur ce point donné, qui a amené la chute de tout être humain. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés, tous. Nous sommes nés étant privés de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui nous a privés de la gloire de Dieu? Est-ce que c'est nous-mêmes? Non. Est-ce que c'est notre péché personnel? Non. C'est réellement la nature pécheresse. Et cette nature est identifiée par Paul. Lorsqu'il dit dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du premier verset, je vous demandais à maman de pouvoir fouiller la Bible à ce niveau et de pouvoir lire. Et je vous demande de partager, de partager, de partager, de partager, de pouvoir lire. Nous lisons. Et à partir du premier verset. Éphésiens, chapitre 2. Il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Écoutez, notez qu'il s'adresse aux gens qui sont vivants. Il dit, vous étiez morts. Alors, il y a eu résurrection. Il parle de la mort spirituelle. Ils sont nés étant morts spirituellement, mais la mort physique interviendra. Nous naissons étant morts. La mort spirituelle veut dire, nous naissons étant séparés de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle effectivement le péché, à cause du péché originel. Ce n'est pas à cause du péché de mon père d'abord, ni de moi, mais du péché originel. Nous étions morts par nos péchés, et dans nos péchés, il conjugue le verbe au pluriel, dans nos péchés, il y a là le péché originel, il y a là le péché héréditaire, il y a là le péché personnel. C'est pourquoi il appelle ça nos péchés. Donc, nous étions morts par nos péchés et par nos offenses, oui. Dans lesquels vous marchiez autrement. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant. De l'esprit qui agit maintenant. Dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi. Nous tous aussi, y compris Paul qui écrit, qui parle. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Lui aussi, il était là-dedans, malgré qu'il fût pharisien. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, nous étions par nature. Les enfants de colère. Il dit quoi? Nous étions. Par nature, lui et toute l'humanité, à partir d'Adam jusqu'à toi qui me regardes, nous étions tous, j'ai dit étions parce que moi je suis déjà né de nouveau. Mais il y a des gens qui sont dans les religions chrétiennes même, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont jamais identifié la présence de leur condamnation adamique dans leur vie. Quand moi j'ai lu les livres des Illuminatistes, de la sorcellerie, de la magie, on parle du péché originel. Mais Satan a masqué ce péché aux yeux des prédicateurs parce qu'il veut maintenir tous ceux qui écoutent ces prédicateurs, il veut les maintenir encore dans ce péché-là. Ils vont vous parler de la loi, ils vont vous parler des 10 commandements. Vous serez toujours accessible, vous serez toujours la proie de Satan, vous serez toujours la nourriture de Satan, vous serez toujours des victimes. Et vous ne pourriez jamais être habité par le Saint-Esprit. C'est ça le grand problème. Le problème central ici, quand les gens font ce genre de choses, où on voit donc des gens et une femme qui va d'une église à l'autre, et puis chaque serviteur présente, j'ai vu ce monsieur un autre, dans une grande église, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je ramène l'os qui a été bloqué par les sorciers. C'est vrai, les sorciers font ça. Mais est-ce que c'était réel ce qu'il disait? Non, ce n'était pas réel. Et lui-même savait qu'il joue un jeu, qu'il joue réellement, c'est une farce. Et il était en train de prononcer le nom de Jésus dans des blagues, j'appelle ça des blagues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme, le bras commençait à pousser. Je crois que j'ai envoyé cette image à un moment. Tu peux me trouver ça tout de suite et tu me donnes, je veux montrer réellement l'image en question. Et auparavant, les gens ont dit que c'était la première église qui a montré, le premier serviteur qui a fait ça en direct, et les gens applaudissaient en disant c'est Jésus, c'est la puissance de Dieu. D'autres disaient c'est pas la puissance de Dieu. J'ai même vu les serviteurs de Dieu qui se querellaient en disant toi tu ne crois pas au miracle et tu es serviteur de Dieu. Et l'autre disait moi je crois, je sais que celui-ci, c'est du faux qu'il est en train de faire. Et c'était vrai que c'était du faux. Parce que la même femme était dans une autre église. On a montré en direct qu'il a été délivré, qu'il y a eu un miracle. Elle est repartie dans une autre église, dans 3 ou 4 églises. Et comment ce Dieu-là Voici, nous avons là l'image. Et voici l'image. Regardez un peu l'image. Là, nous sommes. Et voici le bras. On est en train d'asperger un liquide, de l'eau, je ne sais pas. Et vous voyez, on apporte le micro. Dans une autre église, c'est aussi la même chose que l'on procède. On apporte le micro et raconte son histoire. Alors que c'est de la fausseté. C'est de la fausseté. C'est vraiment de la fausseté. Et tout ça, Satan veut à tout prix que lorsqu'on découvre que c'était de la fausseté, et toute personne, tout serviteur de Dieu qui viendra sur les réseaux sociaux, qui va se permettre de produire un miracle, ou bien de montrer un miracle qui a été. Parce que Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et les miracles accompagnent jusqu'à présent. Dans le livre de Matthieu, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini. Jésus est avec nous. Il est avec ceux qui sont nés de nouveau. Il est avec ceux qui sont fidèles. Il est avec ceux qui vivent dans la sanctification. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Il est avec tous ceux qui réellement entrent dans le corps et qui annoncent l'évangile. Ceux-ci n'annoncent pas l'évangile. Ils attirent parce que la plupart des croyants ne font que chercher, ne font que chercher les miracles. Ne font que chercher les miracles. Et les faux savent que, puisque vous cherchez les miracles, ils vont vous attirer. Vous voyez, le bras est en train de s'allonger. Le bras est en train de s'allonger, soi-disant. Et tout le monde acclame. Les gens vont acclamer. Ils vont vraiment acclamer. Ils sont en train de verser des liquides. Et le bras s'est redressé. Voilà. Voici ce qui se passe. Et on applaudit. Toute la foule applaudit. C'est la foule qui est trompée. C'est la foule qui est trompée. Et qu'est-ce que Satan cherche derrière ça? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Les païens viendront blasphémer. Les païens viendront blasphémer. Il y a une autre image également. Et là, vous voyez ici qu'elle s'est présentée dans beaucoup d'assemblées où elle s'est présentée. Ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Trouvez une autre image, maman. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Jésus fait des miracles. Le diable pousse, veut pousser. Voici toutes les images. Voici une autre image. Dans une autre église, vous voyez que ce n'est pas le même pasteur. Maintenant, ce n'est pas le même pasteur. Et c'est la même femme. Ici, ce n'est pas le même pasteur. Mais c'est la même femme. Vous entendez le son. Il y a la musique. C'est la même femme. Avec un autre prophète. Et ça se produit comme ça au Nigeria. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont allés au Nigeria, soi-disant aller chercher des miracles. Ils sont revenus païens. Ils sont morts, ils sont allés en enfer. D'autres sont encore en vie. Et voilà ce qui se passe. Il demande, le prédicateur demande d'apporter le micro. Comme sur l'image qui venait de passer. C'est le même scénario. Voici. Et le même bras va repousser. Le même bras va repousser. Ça va repousser. Ça va repousser. Comme sur la première image. Et les mêmes victimes applaudissent. Les brebis, les victimes, chasseurs de miracles. Les chasseurs de miracles applaudissent. Ils ne sont même pas nés de nouveau. On n'a pas prêché le Christ. La Bible dit, on doit d'abord prêcher. L'apôtre Paul parle de l'annonce de l'évangile. C'est l'annonce de l'évangile qui amène le miracle. Mettez, remplissez le monde dans un stade. Les païens dans un stade, vous allez voir le miracle. Voici le bras vient de pousser. Le bras vient de pousser comme sur la vidéo passée. Ça vient de pousser comme sur l'autre vidéo aussi. Et le pasteur prend des mesures. Et voilà toutes les églises. Vous avez là au moins 4 églises où elle est passée. Et le même scénario a été. Le même théâtre. Mais Jésus-Christ fait des miracles. Jusqu'à ce jour, j'ai vu ce qu'on appelle miracle. Miracle produit par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ça m'énerve. Comme si Jésus ne faisait pas les miracles. Si tu n'as pas Jésus, dépose ton micro. Si tu n'es pas né de nouveau, la Bible dit, voici les miracles. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui croient, ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont été sanctifiés, purifiés, justifiés par le sang de Jésus, qui est lavé par le sang de Jésus. Ils ont identifié le péché originel. J'ai prêché dans beaucoup d'églises. J'ai constaté que beaucoup de pasteurs prêchent l'évangile comme Apollos. Ils n'avaient jamais identifié le péché originel avant d'être pasteur. Se disant seulement, je suis né de nouveau. Je sais que je suis né de nouveau parce que j'ai abandonné le péché personnel. J'ai abandonné l'alcool, j'ai abandonné la prostitution, j'ai abandonné ceci. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi l'enfant du diable. Tu es né avec une nature satanique, démoniaque. Avant de recevoir le Seigneur, tu devais d'abord identifier. Avant de t'envoyer en prison, on identifie également ta faute. La loi te condamne par rapport à quoi? La loi te condamne par rapport à l'acte que tu as posé. Même étant en prison, tu commets aussi des fautes. Tu commets aussi des fautes qui peuvent également te condamner. Mais il y a un acte qui t'a conduit en prison. Il y a des gens qui ont été condamnés à mort. Même leur bonne conduite en prison ne peut pas amener le gardien, les gardiens de prison à les relaxer. Il faut un acte de grâce authentique venant du supérieur, le président de la République. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et c'est le roi des rois qui accorde la grâce. Dieu qui accorde la grâce. Il est le roi, le créateur de tout l'univers. Il accorde la grâce. Et quand il t'accorde la grâce, tu as la possibilité de rencontrer un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui te parle, qui t'annonce. Pas un homme de Dieu qui commence à t'enseigner ou bien qui commence à prophétiser. Mais un homme de Dieu qui t'annonce l'évangile d'abord. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils n'annoncent pas l'évangile. Ils commencent à enseigner. Vous ne devez pas, vous êtes des faux. Tout ce qui vient sur les réseaux sociaux, qui commence à enseigner, qui commence à prophétiser. Vous commencez à prophétiser sur qui? Vous prophétisez sur les gens qui sont nés sous la condamnation. Et c'est, voici ce que ça donne. La fausseté, les faux miracles, les fausses résurrections, les fausses ici, les fausses prophéties. D'autres prophétisent avec l'esprit de Python. La jeune fille avait un esprit de Python. C'est pourquoi Dieu nous ordonne aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, d'annoncer l'évangile et de défendre l'évangile. Et de la Bible précise dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul parle à tous les saints. À tous les saints en disant, Dieu nous a établis pour la défense. C'est à ce niveau qu'il faut défendre l'évangile. C'est à ce niveau qu'il faut se lever et parler. À ce niveau, quand il y a autant de choses qui vont conduire beaucoup de peuples, beaucoup de personnes en enfer à cause du péché originel. J'ai dit à cause du péché originel. On a travaillé tout de suite dans le livre de Marc et la Bible, qui est la parole de Dieu, rapporte que nous étions effectivement au chapitre 12. Et quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, Matthieu l'a si bien dit et Marc le dit également. Et l'objectif de Satan, c'est d'amener dans les gens à blasphémer. Il vous consacre à Satan. Il vous consacre à Satan. Toute personne qui aurait appelé, un miracle authentique d'un homme de Dieu, que c'est, un miracle venant de Satan, la personne a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et si tu es dans une église aujourd'hui, vérifie, ton passé. As-tu réellement blasphémé un jour? Parce que la tactique de Satan, il les met dans les bus, il les met dans les taxis, dans les bureaux, pour dire que ces miracles, ce sont des miracles de Satan. Et toi aussi, tu vas faire des commentaires. Sache que si tu entres dans ce genre de commentaires, tu es déjà consacré une fois pour toutes, c'est un péché éternel. Même si tu es assis dans une église aujourd'hui, monsieur comprend que tu n'entreras jamais au ciel. Si tu es assis, mais si tu étais païen, il s'agit d'abord de ceux qui sont des enfants de Dieu et que Satan piège de cette façon. Il y a ceux qui étaient païens et qui se font consacrer seulement à Satan pour les récupérer après. Parce que lorsque tu es païen et que tu as prononcé ce genre de phrase, Dieu ne te condamne pas parce que tu es encore enfant de Satan, enfant du diable. Et Dieu t'accorde la grâce d'écouter l'évangile, tu reçois le Seigneur. Mais comme tu es consacré à Satan, et que tu n'as jamais confessé cela, et que tu n'as jamais demandé les prières, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais confessé, et tu savais que quand j'étais païen, le docteur Issomba prêchait, et moi j'avais dit que ses paroles et tous les miracles qu'il faisait, je prends un exemple sur moi-même, venaient de Satan. Quand tu te convertis, la première des choses que tu dois faire, c'est d'aller voir cet homme de Dieu-là. Même si tu n'es pas dans son église, c'est d'aller le voir et confesser et dire que moi, j'avais, étant païen, ne connaissant rien, j'avais dit que les miracles que tu faisais venaient de Satan. Il va prier pour toi et Dieu va l'exaucer, lui. Dieu va l'exaucer, pas toi. Et sinon, tu vas continuer à être consacré, à vivre étant consacré à Satan. Et Satan trouvera une occasion. Parce que la Bible dit qu'il rôde. Il trouvera une occasion. Il va te pousser. Et quand déjà enfant de Dieu, il va te pousser par le canal de quelqu'un qui va t'amener à blasphémer. Ça sera peut-être quelqu'un qui persévère avec toi dans la même église. Il va commencer à parler mal contre votre père spirituel. Il va te dire, pardon, Dieu n'est plus ici. Ça veut dire que c'est Satan qui est ici. Ça veut dire que tout ce qui se passe ici, c'est Satan qui est là. Et tu vas suivre cette personne. Et ça veut dire, ayant déjà des alliances de consécration auparavant, ça sera des portes dans ta vie. Et ces portes-là, Satan va les exploiter. Il va les exploiter clairement. Et cette consécration qui n'a jamais été dénoncée, après tu poses l'acte, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu es condamné à mort, étant déjà enfant de Dieu. Voici le processus de la condamnation à mort, du blasphème contre le Saint-Esprit, comment ça évolue. Entre les païens et entre les enfants de Dieu. Il y a une différence. Lorsque tu étais païen, une différence lorsque tu es déjà enfant de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, ils ne sont plus enfants de Dieu. Mais ils appartiennent encore aux églises locales, les églises physiques. Dans une assemblée, ils persévèrent. Mais il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Il ne mettra plus jamais ses pieds au ciel. Il ne peut même s'il demande pardon, il ne peut même plus jamais être pardonné. Le chemin du ciel est fermé. Jésus-Christ ne ment pas du tout. Lorsqu'il dit ceci, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ainsi il parlait ainsi pourquoi? Parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Avec explication. J'ai vu quelqu'un qui fait ce on l'appelle, c'est Jésus-Christ TV, qui est venu, qui passe le temps à blasphémer, et sa chaîne passe le temps aussi à entraîner les chrétiens dans le blasphème. Et il a essayé de se justifier, il dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas ça, c'est ça, il a commencé à expliquer des conneries, des bobards qui ne tiennent pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est appeler une œuvre de Dieu, Et c'est expliqué clairement dans le livre de Marc. Jésus parlait ainsi parce qu'il est qui? Les pharisiens disaient, il est possédé d'un esprit impur. Aujourd'hui, chaque homme de Dieu, dès que tu produis un miracle, dès que tu commets une faute, un péché, quelqu'un se lève et dit c'est un sataniste. Quelqu'un se lève et dit c'est un sorcier. Quelqu'un se lève et dit tout ce qu'il fait là c'est le diable. Et c'est ainsi que le diable travaille pour consacrer, pour amener les gens à blasphémer. Et c'est tout un réseau qui est déjà établi pour pouvoir détruire et enrôler, voler, détruire la foi, détruire et freiner l'œuvre de Dieu. L'objectif central, c'est de récupérer ceux qui ont déjà cru. Et le deuxième objectif, c'est d'amener les gens à ne plus croire. Dès que le miracle, parce que le miracle amène les gens parfois à croire. On a vu ça même dans la Bible. Mais le diable veut que lorsqu'il y a un miracle, que les gens ne croient plus du tout. Que les gens ne croient plus du tout. Et c'est pour ça, je prends l'engagement ce soir. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que on a raison de demander aux uns aux autres de pouvoir, à partir de maintenant, annoncer l'évangile, le vrai évangile, de prêcher la bonne nouvelle du salut. La Bible dit que il disait, les pharisiens disaient, il est possédé d'un esprit impur. Il est possédé. Qui Jésus? Jésus qui est né sans péché. Mais les gens disent qu'il est possédé d'un esprit impur. Qui faisait ça? C'était quoi? C'était qui? C'était les pharisiens. C'était Satan qui utilisait les pharisiens. Les pharisiens étaient les gens qui lisaient déjà la Bible. Pas la Bible, mais le parchemin et les autres livres de la loi. Et c'était les gens que Dieu avait choisis auparavant. Et ce genre, à cause de la jalousie, ils ont commencé à dire que Jésus-Christ vient de Satan. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Entendu que ce soit partout, dès que tu te présentes au niveau des médias, chaque personne vient, c'est le diable, c'est un sorcier. Or, ce sont des sorciers eux-mêmes, ces gens, ce sont des sorciers, ils veulent avoir des adeptes, ils veulent avoir des victimes. Lorsque tu viendras faire les mêmes commentaires comme lui, immédiatement tu es détruit. Mais tu vas continuer à boire ton alcool. Tu vas continuer à manger. Tu vas continuer à coucher avec les femmes. Tu vas continuer à travailler. Tu vas continuer à faire tout ce que tu veux. Mais tu ne sauras pas que tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné depuis longtemps. C'est pourquoi examine correctement ta vie. À ce niveau-là, examine correctement ta vie. Est-ce que quand j'étais païen, j'avais, moi-même étant, moi-ci, étant dans le satanisme, quand les banques venaient au Cameroun, j'étais encore dans leur camp. Et j'étais parmi les gens qui poussaient cette populace à blasphémer, à dire que Bonke est un vendeur de drogue, pour commencer. On le disait dans les bus, on le disait aussi dans les taxis. On mettait des gens, des foules, des agents de Satan dans les taxis, dans les bus, partout, pour entraîner tout un bus à blasphémer. On savait, le diable sait correctement que quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'ira plus jamais au ciel. Et le diable en a besoin. Il a besoin des adeptes pour l'enfer. Et quand les démons en chair entraient dans un bus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Directement, ils commençaient à parler. Quand on voit les affiches, parce que Bonke mettait les grandes affiches dans des villes, et puis quand on voyait les affiches, on disait, regardez des voleurs comme ça, regardez des escrocs comme ça, c'est des vendeurs de drogue, ce sont des satanistes, ce sont des sorciers. Et tout le bus se mettait à blasphémer. Et c'est ainsi que le diable n'a pas changé de tactique jusqu'à ce jour. Dans les taxis, dans la ville de Yaoundé, dans la ville d'Abidjan, dans la ville. Et maintenant, il utilise quoi? Les réseaux sociaux. Il utilise les réseaux sociaux. Il y a des agents de Satan sur les réseaux sociaux. Dès que le serviteur, une image d'un serviteur de Dieu apparaît avec un verset biblique, il commence. Et ils viennent, d'autres viennent également pour blasphémer parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il veut vous entraîner en enfer. Il veut vous bloquer. Il veut vous condamner parce qu'il connaît la vérité. Toi, tu ne connais pas la vérité. Tu vas te mettre à calomnier. Tu vas te mettre à mentir. À mentir contre un serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prêcher et enseigner sur les réseaux sociaux, parce que quand vous le dites seulement dans les quatre murs, vous serviteurs de Dieu, sans avertir les foules, ceux qui peuvent vous écouter en millions sur les réseaux sociaux, Dieu va vous demander des comptes. Aujourd'hui, j'ai fait un songe bizarre. J'ai expliqué ce songe à mon épouse tout à l'heure. Tôt dans la matinée, je rêve que je suis assis dans un restaurant. Et le restaurant était au bord d'un stade. C'était vraiment comme un stade. Mais ce n'était pas le stade, c'était le cimetière. Écoutez-moi bien, c'était le cimetière. Mais ça se présentait comme un stade. Il y avait du monde. Et moi, j'étais assis au restaurant avec des amis. Les gens buvaient, les gens mangeaient. Les gens se réjouissaient, ainsi de suite. Et on était là, j'avais déjà passé la commande. Et on blaguait. Et puis, je vois au fond du stade, de ce cimetière, je vois un oncle qui est décédé depuis longtemps et je le vois de loin. De loin, il était en train de travailler, il était en train de sarcler, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Et puis moi, je suis scandalisé, je dis, mais celui-ci, il est mort depuis longtemps. Et je m'adresse à celui qui était avec moi. Je dis, mais il est mort depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et celui qui était avec moi me dit, S'il est mort, c'est à cause de toi, parce que tu ne lui as pas dit la vérité. S'il est mort, c'est à cause de toi, parce que tu ne lui as pas dit la vérité. Et toi, tu es ici pour manger, pour attendre la nourriture. Et lui, il est mort. Est-ce que tu sais que tous qui sont avec lui là sont morts aussi? Et nous, nous sommes ici pour attendre la nourriture. Nous sommes là pour les avertir. Et justement, je me suis réveillé. J'ai compris, il parle de quelle mort? La mort spirituelle. Mais il utilise l'image. Et c'est qui me parlait? C'est Dieu, c'est le Seigneur qui me parlait. Nous sommes tellement préoccupés par nos choses. Nous sommes tellement préoccupés par nos affaires, préoccupés par les membres de nos familles, préoccupés par notre avenir, préoccupés par notre entreprise, préoccupés par notre vie professionnelle, préoccupés par notre santé, préoccupés par. Et pendant ce temps, Satan emporte. Les gens sont morts, la mort spirituelle. Et j'ai vu, c'était la foule. Et les gens étaient occupés de part et d'autre. Et moi, je disais, lui, il était là, il faisait un travail comme s'il sarclait un champ. Et l'homme me dit, si tu avais annoncé, si tu l'avais parlé, il n'a même pas dit, si tu l'avais parlé, il n'allait pas mourir. Si tu l'avais parlé, il n'allait pas mourir. Il parlait de quelle mort? De la mort spirituelle d'abord. Il est mort physiquement. Il est allé en enfer. Mais Dieu a utilisé cette image pour pouvoir me parler, pour pouvoir me dire ce que nous devons faire. Nous devons faire. Et c'est chaque semaine, presque chaque jour, qu'il fait pression, comme l'apôtre Paul. Et je vous avertis, et je l'avais déjà dit auparavant, hier, avant-hier, je vous avertis que si vous n'annoncez pas l'évangile, il y a des gens qui sont morts autour de vous, qui sont costumés, qui portent des robes, les femmes qui portent des robes de 10 000 euros, mais ce sont des cadavres ambulants, des hommes qui portent des costumes de 15 000 euros, mais ce sont des cadavres ambulants, et des hommes qui roulent avec des voitures de 2 millions d'euros, ce sont des cadavres ambulants, des cadavres spirituels. Il est mort spirituellement. L'humanité est morte spirituellement, séparée de Dieu. Et nous avons le secret, nous avons la parole, nous avons la révélation. Cette révélation est cachée en Jésus. C'est lui qui donne la vie. Il donne la vie comment? Ces gens doivent s'identifier au sang de Jésus et identifier la présence de l'acte qui les avait condamnés. L'acte qui les avait condamnés, c'est le péché originel à partir d'Adam. Et Dieu aurait donné un signe en envoyant. La parole de Dieu s'est faite chair. Cette parole est descendue dans le monde. Et cette parole, c'est qui? Cette parole avait le sang, un sang pur, qui peut laver ton sang de condamnation, qui peut laver ton sang de malédiction, qui peut laver ton sang de péché, qui peut laver. après avoir identifié, bien sûr, ce que Dieu appelle la repentance. S'il n'y a pas repentance, il n'y a pas aussi justification. Repentance égale découvrir ou bien identifier la cause de ta chute, la cause de ton péché, la cause de ta condamnation. C'est ça la repentance. Et cette condamnation commence au niveau d'Adam et Ève. Et à partir de ce jour, tout ce qui me regarde, le jour que toi tu as accepté le Seigneur, est-ce que tu avais identifié? C'est pourquoi tu as des problèmes. C'est pourquoi les maris de nuit sont toujours avec toi. Parce qu'il y a une large porte. La porte centrale ici, c'est le péché originel. Une large porte qui est là. Et il y a également d'autres portes, comme dans les chambres. La grande maison, la maison centrale, a une porte centrale. A aussi, chaque chambre a aussi ses portes. Ce sont là des alliances ancestrales, des consécrations ancestrales, les portes des fenêtres dans la maison. Et ça joue aussi un rôle important. Et ces portes ancestrales, et aussi les fenêtres ancestrales dans ta vie, c'est-à-dire la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères, ça joue également et ça peut être utilisé par Satan pour te pousser même à blasphémer. C'est-à-dire les péchés originels, le péché héréditaire et toutes ces malédictions et tout ce que tu as encaissé venant de ton père et de ta mère, ça peut te pousser aussi à blasphémer. Lorsque tu as des alliances de la religion, ton père était dans une religion et si tu n'as pas réellement confessé, identifié cette religion pour que toi qui étais déjà consacré à cette religion, aux esprits qui travaillent, les esprits de mensonge de cette religion, les esprits de mensonge de cette religion, puisque tu as été consacré à ces esprits. Lorsque tu n'identifies pas le problème à ce niveau, ces esprits auront toujours un pouvoir sur toi. Ils auront toujours une domination sur toi. Ce sont des lois spirituelles. Et tu vas évoluer. À un moment donné, tu commences à être incrédule. À un moment donné, tu n'as plus envie de prier. À un moment donné, tu n'as plus envie de lire la Bible. À un moment donné, tu n'as plus même envie d'aller à l'église. On apprend que tu as rétrogradé. Parce qu'il y a eu des consécrations auparavant qui n'ont jamais été identifiées. Et maintenant, et tu vas rester à dire que je prie. Tu pries d'une manière mécanique. On peut prier avec le péché originel dans le corps. La preuve, Corneille. Corneille, Actes chapitre 10, à partir du premier verset. Dans ce livre, il est dit que Corneille priait. Il est dit que Corneille craignait même Dieu. Il est dit que Corneille. Mais Corneille faisait tout ça, il n'avait pas le Saint-Esprit. Et à quel moment Corneille reçoit le Saint-Esprit? C'est lorsque Pierre l'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Et quand il croit à cet évangile, Monsieur Corneille reçoit le Saint-Esprit. Mais auparavant, dans les trois premiers versets, les trois premiers versets de ce chapitre rapportent que Corneille priait. Il priait avec quel esprit? Son esprit humain. Il a appris à prier dans la religion où il était. Il y a des gens qui apprennent à prier dans les églises qu'ils fréquentent parce qu'ils ont vu les autres prier, ils ont entendu comment les gens prient. Ils ne prient pas étant poussés par le Saint-Esprit parce que la Bible dit qu'un enfant de Dieu prie étant poussé par le Saint-Esprit. Nous parlons de 40 jours de prière. Et toi qui es avec nous depuis le début, est-ce que tu as identifié le péché originel avant donc de prier, avant d'être avec nous? Et si tu as des problèmes aujourd'hui, des problèmes d'envoûtement qui ne partent pas, les alliances des marées de nuit qui ne sont pas brisées, les consécrations des marées de nuit qui ne sont pas brisées, le célibat, tu n'as pas de mari jusqu'à présent. C'est à cause aussi du péché originel. Dieu ne te connaît pas. Tu pries, Dieu ne t'entend pas, il ne te voit pas. Dieu est sourd à tes prières parce qu'il ne te connaît pas du tout. C'est à cela sûrement que Jésus-Christ avait dit. Et Jésus-Christ disait ceci. Et il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Beaucoup diront même qu'il a chassé les démons au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Mais toi-même, tu n'as rien à voir avec ce Jésus. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu as chassé les démons. Tu as fait des miracles, tu as fait ceci, il dira, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, ton nom ne figure pas dans le livre de vie. Ton nom ne figure pas dans le livre de vie. À quel moment ton nom figure dans le livre de vie? Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Dieu écrit ton nom dans le livre de vie avec le sang de Jésus. Ce n'est pas avec de l'encre, avec le sang de Jésus, dans le livre de vie. Apocalypse nous rapporte cette histoire. Dans le livre de vie, ceux qui reçoivent le Seigneur, leur nom figure dans le livre de vie. Bien. Pour que ton nom figure dans le livre de vie, ce n'est pas le jour que tu as arrêté de pécher. Parce que tu n'arrêteras jamais de pécher. Même étant chrétien né de nouveau, tu n'arrêteras jamais de pécher. Si c'est par là que tu es né de nouveau, je commence à rigoler sur tes narines que tu iras réellement en enfer. Parce que l'épître de Jean, la première épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 1er, rapporte ceci. Que à partir du 1 Jean, chapitre 1er, que nous lisons, d'ailleurs, il dit... Si nous disons que nous n'avons pas de péché, je vous rappelle que les épîtres ne concernent pas les païens. Ce que nous lisons ici concerne les enfants de Dieu. Vous allez dire que ça concerne les païens. Non, ça ne concerne pas les païens. On n'enseigne pas un païen. C'est un mort, un cadavre. Comment on peut enseigner un cadavre? Ça ne peut pas marcher. Bien. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous, enfants de Dieu. Et la vérité n'est point en nous. Ça ne nous autorise pas à pécher volontairement, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ça ne vous autorise pas à pécher volontairement, sachant que je pose un acte. Jésus-Christ dit, si ton frère a péché contre toi, quand Paul lui posa la question, Pierre, qui marchait avec Jésus, pose la question, les apôtres posent la question à Jésus. Combien de fois je dois pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Jésus-Christ dit, s'il se répand, tu dois lui pardonner. S'il pêche 7 fois par jour contre toi, tu dois également lui pardonner 7 fois. Ça ne veut pas dire qu'il va commettre le même péché. Et il reviendra, il vole mon téléphone, il vient, il confesse, il me remet le téléphone, il revient encore, il vole encore le téléphone. Ce n'est pas de ça que Jésus voulait faire allusion. Jésus fait allusion aux différents péchés parce que vous vivez ensemble. Comme l'homme et la femme qui sont mariés, comme les enfants avec leurs parents, comme les frères en Christ qui vivent dans une communion fraternelle, dans une église, ou bien avec les autres frères qui vivent dans la ville. Et puis tu pèches contre ton frère en Christ. Si c'est un péché qui ne concerne pas le premier péché, tu te répands parce que j'ai reconnu que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Un autre jour, je pêche encore par inadvertance et puis je demande pardon, tu es obligé de pardonner. Mais je ne dois pas pécher volontairement pour revenir encore te demander pardon tous les jours. Non, c'est ce qu'on appelle tenter Dieu et Dieu va te tuer. Dieu va te tuer et en te tuant, il t'enverra également en enfer. Parce que le même livre que nous lisons dit au verset 5, 1 Jean chapitre 1 verset 5, la nouvelle que nous avons appris de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres ici c'est le péché, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes communément, mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie de tout péché. Alors, il enchaîne directement. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession ainsi, ce n'est pas aller mettre la bouche dans un trou sous les oreilles d'un prêtre. Non, c'est la repentance. Je reconnais que j'ai péché, Seigneur. Mais si tu as péché contre ton frère en Christ, va demander. Tu as péché contre ton mari, contre ta femme, contre ton frère en Christ. Va demander pardon. Contre ton père spirituel, va demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, le péché ne sera pas pardonné parce qu'on ne pardonne pas à quelqu'un qui ne s'est pas repenti. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. On ne pardonne pas quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Jamais. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est là que le sang de Jésus intervient. Quand il dit, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors si tu ne bois pas le sang de Jésus, si tu ne bois donc pas le sang de Jésus, je vois mal comment il va purifier ton sang, ton sang. Il va purifier ton péché. Donc détruire la consécration, parce que quand tu pèches, tous les jours tu pèches. Tous les jours, en pensée, en acte, en regardant, en parlant. des petites questions qu'on te pose au travail. Tu pèches. Tous les jours, tu pèches. Tous les jours. Tu insultes les enfants, c'est un péché. Tu ne le sais pas. Tu es chrétien de nouveau. Tout ce que tu fais qui n'est pas en droite ligne, qui n'entre pas en droite ligne avec la parole de Dieu, sache que tu as péché. Donc, il n'y a personne qui peut me dire, après avoir reçu le Seigneur, je n'ai jamais péché. Ce que tu es menteur, c'est ce qu'il dit ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors, si la vérité n'est pas en nous, ça veut dire que nous sommes des menteurs. Et ainsi donc, nous devons vivre d'une manière continuelle dans la repentance, dans l'identification de ces péchés. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire après l'identification? Il faut boire le sang de Jésus. Un Jean, maintenant, ce n'est pas un Jean, mais c'est Jean, l'évangile de Jean, ce que nous allons faire ce dimanche au Temple des Nations à Paris pour briser toute alliance de blasphème. Si tu sais que tu as blasphémé, tu as appelé une œuvre de Dieu quand tu étais païen, tu dois venir au ministère. Tu dois venir au ministère. Partagez, ne passez pas le temps à regarder parce que vous êtes en train de pleurer en disant « Oui, moi j'avais blasphémé. » Si tu étais païen, va voir la personne. Il y a déjà des ressources sociales, tu peux m'envoyer un message, docteur, ils sont beaux, bien, au Yedepo, quelque part. Parce qu'il y a des grands hommes de Dieu au Nigeria. Pas grand parce qu'il y a un grand ministère. C'est des gens qui réellement qui ont fait des preuves. Il y a des hommes de Dieu au Nigeria. Mais il y a des farfelus parce qu'ils veulent avoir aussi des grands ministères. Et surtout ces jeunes qui vont tremper les mains aujourd'hui dans la magie. Ils veulent avoir des grands ministères, ils fabriquent de faux témoignages, ils font ceci. Ils veulent être comme docteur Richard, ils veulent faire ceci. Moi aussi, je veux être, lui aussi, je veux être ceci. Mais non, est-ce que tu as payé le prix, mon fils? Tu as payé le prix? Tu sais ce que j'ai fait pour être là? Ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas un problème de force, mais c'est un problème d'engagement avec Christ. Un problème de mourir dans le monde. Un problème de persécution. Parce que pour arriver à ça, à ce niveau, il faut traverser des étapes de persécution, des insultes, où tu dis la vérité, on t'insulte, on t'envoie même en prison, on te critique, on t'appelle sorcier, on t'appelle ceci. Toi, à peine tu viens de recevoir le Seigneur et tu veux être serviteur de Dieu, tu veux déjà des grosses marques de voitures, tu veux déjà des avions, mais tu vas casser la pub, tu vas faire la magie. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Tu vas fabriquer de faux témoignages. Tu finiras par fabriquer de faux témoignages. Tu finiras par désobéir. Tu finiras par évoluer dans la déloyauté, dans l'infidélité. Et également, tu vas sortir de la maison de ton père spirituel pour aller fabriquer, louer des maisons. Je veux faire l'église, machin. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Parce que Dieu parle à tout le monde. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui. Dieu parle à tout le monde. Au nom de Jésus, on a vu comment il faisait le miracle au nom de Jésus. Mais ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus, c'est pourquoi Jésus dit, vous avez fait tout ça à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Vous n'allez pas me dire que Dieu connaît. Et pourtant, ils ont de grandes assemblées. Quand vous voyez les images qu'on a vues hier et aujourd'hui, c'est des gens qui ont des grandes assemblées, que les gens suivent, que les gens suivent. Mais alors, ils suivent ces gens pour aller où? Pour aller en enfer. Parce que ceux qui les suivent cherchent des miracles, ne cherchent véritablement pas Jésus, ne veulent pas boire le sang en identifiant leur péché. On ne parle dans ces assemblées, on ne parle même pas du péché. Car si tu commences à prêcher sur le péché, l'assemblée va se vider. Et pour avoir une grosse assemblée, une grande assemblée, il faut donc produire des miracles. Il faut parler rien que de la prospérité. Il faut prophétiser. Si tu ne prophétises pas, personne ne viendra dans ton assemblée. Et c'est pourquoi ils sont prêts à aller signer des pactes avec Satan. Aller signer des pactes avec Satan. Ils sont pleins en Europe, les Noirs africains et même les autres, pleins en Europe, pleins partout aujourd'hui. En Afrique, c'est grave encore, plein. Et ils sont sur les réseaux sociaux. C'est eux qui dominent les réseaux sociaux avec tout ça, des problèmes de prophétie, pas de temps à prophétiser sur les gens qui n'ont jamais annoncé l'évangile. Et c'est ça le grand faux. Il n'a jamais annoncé l'évangile. Il ne sait même pas. Il ne peut pas expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance sur les réseaux. Il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas dire à quelqu'un comment il peut faire pour naître de nouveau. Il dit tout simplement, pour naître de nouveau, il faut recevoir le baptême. Il faut laisser le péché, confesse Jésus. Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Non, ce n'est pas ça la nouvelle naissance, s'il vous plaît. Si vous-même, vous n'êtes pas de nouveau, allez retourner voir les serviteurs de Dieu pour que vous puissiez naître. Sinon, c'est l'enfer pour vous. Entrez dans les églises. Lorsque nous enregistrons aujourd'hui, réellement, les serviteurs de Dieu qui doivent prêcher sur notre plateforme, notre plateforme qui doivent prêcher là. On doit vérifier si tu es réellement né de nouveau. On doit vérifier qu'est-ce que tu prêches sur la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance est unique. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu peux prêcher comme Apollos prêchait. Mais Apollos n'était pas né de nouveau jusqu'à ce qu'il rencontre ce couple qui va l'amener au Seigneur, mais avec l'humilité. Mais l'orgueil aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, la plupart sont tellement orgueilleux. Ils n'écoutent plus. Et comme ils enseignent ce qu'ils appellent aujourd'hui le développement personnel. Écoutez-moi bien, le développement personnel n'est pas la parole de Dieu. Les païens enseignent le développement personnel. Aujourd'hui, Satan est entré dans l'église avec les choses du monde. C'est le développement personnel qu'on enseigne aux gens. Comment tu peux réussir? Comment tu peux faire pour avoir l'argent? Comment tu peux faire pour être élevé dans la société? C'est tout ce qu'on peut dire. Mais l'évangile, la substance du salut, on ne prêche plus l'évangile. Qu'est-ce qui peut amener les blocages dans la vie de quelqu'un? On peut enseigner le développement personnel par rapport à quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur et qui a reçu le Seigneur sur une bonne terre. Mais c'est le coaching, on fait « je suis coach sur le monde » aujourd'hui et on paye l'argent, on paye des sommes colossales. Il y a d'autres qui disent « moi je ne peux pas te donner, je ne peux pas te donner des réponses sur toutes les questions que tu m'as envoyées sur Internet hein, si tu ne me payes pas. » Et les gens payent beaucoup d'argent. Mais quand ils viennent vers l'évangile, ils disent que Dieu a dit qu'il faut recevoir. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais c'est de la fausseté. C'est de la fausseté. Vous voyez comment Satan manipule là. Ils paient de l'argent là où il n'y a pas la vie. Mais quand ils arrivent là où il y a la vie, ils commencent à dire que Jésus-Christ, le développement personnel n'est pas de Dieu. On peut vous enseigner ça, je peux vous sortir la liste des gens jusqu'aux serviteurs de Dieu qui ne font que parler du développement personnel. Et c'est ça qu'on enseigne dans les séminaires, c'est ça qu'on enseigne partout, dans les églises, dans les conférences. Et ces conférences sont absolument payées. On ne te parlera jamais de la nouvelle naissance, dès le début. On ne te parle pas de la nouvelle naissance. Et si tu as raté la nouvelle naissance, tu auras tous les problèmes du monde avec les démons. Tu auras tous les problèmes du monde avec les sorciers. Tu auras tous les problèmes du monde avec l'enfer. Tu auras tous les problèmes du monde avec la maladie. Tu auras tous les problèmes du monde avec les alliances, avec tout esprit. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Qui doit lutter? C'est la personne qui est née de nouveau. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Lorsque j'identifie le péché, lorsque j'identifie l'alliance, qu'il soit héréditaire, qu'il soit personnel, et quand je bois le sang de Jésus, selon Jean chapitre 6, à partir de cet instant, et je bois dans le sang de Jésus, et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Au verset 53, Jésus-Christ dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie. Pourquoi il le dit? Parce que tu as péché le long de la semaine. Et la semaine passe, tu arrives, tu es à la maison. Il y a des gens qui me suivent que sur Internet, qui nous suivent que sur Internet. Quand on dit, viens donc au Temple Nation à Paris, ou bien viens au séminaire, tu me suis dans une ville où tu es logé, où tu habites, ou bien dans un pays. Mais si on annonce qu'il y a ce qu'on appelle la retraite spirituelle, qui va durer 3 jours, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser d'abord ce que tu fais, tes occupations. Tu dis, je vais à la retraite. À la retraite là-bas, on va donc t'enseigner encore. On va te révéler, on va t'amener à identifier beaucoup de choses, beaucoup d'alliances et beaucoup de consécrations. Et après, on passe par des actes prophétiques. Ces actes prophétiques, c'est quoi? C'est le sang de Jésus d'abord. Et là, Jésus vient de dire, c'est lui. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange la chair, ma chair, et qui boit mon sang à la vie éternelle. étant encore vivant. Mais ça ne veut pas dire, il ne parle pas de la vie, de la chair, ta chair là. Tu prends tellement soin de cette chair, tellement soin de cette chair. Il ne parle pas de ça. La vie éternelle, le sang et la chair, ce sang, ce corps n'héritera jamais le royaume de Dieu. N'héritera jamais le royaume de Dieu. Tu ne vas pas entrer au ciel avec les rouges à lèvres sur les lèvres. Tu ne vas pas entrer au ciel avec des clignotants, avec tout ce que tu mets sur le visage. Tu ne vas pas entrer au ciel avec des poils de mouton sur la tête, des perruques sur la tête. Pour aller voir Dieu, tu as des perruques sur la tête. Tu n'entreras pas au ciel. Tout ça, ça va pourrir dans la tombe. Mais ça prend tout ton argent. Et quand on te dit pour prêcher l'évangile, il faut que nous puissions payer seulement 200 $ par jour. Il faut donner. Et tu dis non, je n'ai pas d'argent. Mais le matin, ce matin-ci, aujourd'hui même, tu as acheté tes poils de mouton, tu as acheté des perruques, tu as juste acheté des cheveux brésiliens. Des cheveux brésiliens à 400, 600, 1000 euros. Tu dépenses tout ça. Tu veux être brune. Tu vas suivre des coachings. Et puis, on va te dire pour faire disparaître des boutons. Et mais alors, on va faire aussi disparaître ton cadavre quand tu vas mourir. Parce que tu vas commencer à pourrir. À pourrir. Tu vas t'injecter. Il y a des gens qui s'injectent pour enlever la peau noire. D'autres s'injectent pour enlever la peau noire. Et voici en principe. Or, tu t'injectes pour enlever la peau noire. Et quand tu vas mourir, on va aussi enlever la peau noire. Oh, tu passes autant à insulter même les serviteurs de Dieu quand on te parle. Tu dis ce sont des escrocs. Mais tu vas mourir laissant tout cet argent à la banque, laissant tout cet argent dans les tontines. D'autres meurent avec l'argent attaché sur les reins. Attaché sur les reins. Car, Jésus-Christ dit, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Demeure en moi. Alors, est-ce qu'on peut détacher quelqu'un qui demeure en Christ? Est-ce qu'on peut envoûter quelqu'un qui demeure en Christ? Est-ce que quelqu'un qui demeure en Christ peut avoir des rapports sexuels dans les rêves, peut rencontrer des, peut être fouetté? Il y a des gens qui sont fouettés dans les rêves. Il y a des gens qui vivent dans des cauchemars. Il y a des gens qui vivent dans des choses pas croyables. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas dormir. Avec ce qu'on appelle les insomnies. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se marier. Quand Jésus-Christ dit, il demeure en moi, ça veut dire que tout ce qui était comme envoûtement, comment tu peux être envoûté étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu? Et quels sont les signes qui prouvent que tu es envoûté? Les signes qui prouvent que tu es réellement envoûté, que tu as des problèmes, que tu dois boire le sang de Jésus. Et je veux te les donner effectivement. Ce samedi soir, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et demain c'est samedi soir, je vais te le donner dans les moindres détails pour te prouver que tu as besoin de boire le sang de Jésus. Tu as besoin pour que Jésus, c'est lui qui mange ma chair et c'est lui qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui qui me mange vivra par moi. Il parle d'abord de la vie physique, après la vie spirituelle, dans le ciel. Dans le ciel. Et alors, si tu ne dois pas aujourd'hui s'approcher de Jésus, parler de Jésus, il y a des églises où on ne fait même pas la Sainte-Cène, ne serait-ce qu'un dimanche sur deux. Mais on va te prêcher toute la parole. Les églises où on ne boit jamais le sang de Jésus. Dans d'autres églises, c'est le prêtre qui boit le sang. Soi-disant sang, hein, c'est même pas le sang, d'abord c'est le vin. Alcool, le sang de Jésus n'avait pas d'alcool parce que Jésus ne buvait pas d'alcool. Le sang de Jésus n'avait pas d'alcool, le sang de Jésus n'avait pas de péché originel. Le sang de Jésus n'avait pas le péché, péché, péché. En tout cas, il n'avait pas de péché, pas de souillure. Et quand nous prenons le jus de raisin, l'homme de Dieu prie, qui est né de nouveau, parce que si un homme de Dieu s'est dit homme de Dieu, il prie sur le jus de raisin, alors qu'il n'est pas né de nouveau, étant encore habité par le péché originel, ça ne sera pas le sang de Jésus. Ça restera le sang de qui? Le sang du diable, certainement, parce que c'est un fils du diable. On est fils du diable pas parce qu'on a péché. On est fils du diable parce qu'on a la nature. Parce qu'on a la nature pécheresse adamique. Adam est devenu le fils de Satan. Ève est devenue la fille de Satan. Et ils ont fait des enfants, et ton père, fils de Satan, ta mère, fils de Satan, fille de Satan, toi-même étant né sous la condamnation, fils ou fille de Satan, vous tous, fils de Satan, sorcellerie, haine, tout ce, ce sont les fruits de Satan. C'est ce que la Bible appelle les fruits de la chair. parce que la chair là appartient à Satan. Alors ta chair produit des fruits. Mais toi-même, tu appartiens à Satan et tu produis les fruits de celui à qui tu appartiens. Tu appartiens à Satan. Les fruits de la chair sont manifestes. Galates chapitre 5, verset 19 sont manifestes. C'est quoi quand vous lisez les fruits de la chair? Et puis, quand on parle des fruits du Saint-Esprit, parce que tu es déjà délivré par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit ne délivre personne, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit n'a pas le rôle de délivrer qui que ce soit. Non, s'il avait le rôle de délivrer, nous délivrer du péché originel, il allait le faire. Il allait le faire. Mais non, ce n'est pas son rôle. Le rôle qui vient à quelqu'un sur la terre de nous délivrer, c'est le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu nous a établis pour la défense de l'évangile. Pour la défense de l'évangile. Parce que sur les réseaux sociaux, nous devons défendre. Quand les gens viennent insulter les serviteurs de Dieu, quand les gens viennent dire que c'est le diable, tu dois parler à ces gens. Tu ne dois pas fermer la bouche. Et si tu fermes la bouche, ça veut dire que tu es également païen. Pour un enfant de Dieu, ça bouillonne. Quand tu es né de nouveau, réellement, que le péché originel est parti. Quand tu vois quelqu'un parler mal de Jésus, ça bouillonne là dans le cœur. Ça bouillonne, tu as envie de parler. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a même pas envie de parler. Il n'a pas envie de parler. Quand tu vois quelqu'un parler mal de Jésus, t'étant enfant de Dieu, parler mal de Jésus, on parle de qui? On parle d'un enfant de Dieu. Vous voyez quand, d'un serviteur de Dieu, quand Paul persécutait les églises, le jour que Jésus a attrapé Paul, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Monsieur Paul, pourquoi tu me persécutes? Est-ce qu'il avait vu Jésus? Il a touché Jésus un jour? Non. Paul persécutait les enfants de Dieu. Et quand Jésus arrive, il parvient à dire à Paul, Monsieur Paul, pourquoi tu me persécutes? Donc quand tu persécutes un homme de Dieu, et quand tu défends l'évangile, c'est Jésus que tu défends. Quand tu défends un homme de Dieu, c'est-à-dire tu parles avec conviction. Le sorcier ne peut pas. Vous avez peur des sorciers sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous avez peur des sorciers. C'est pourquoi vous avez peur aussi même de partager les vidéos. C'est pourquoi vous avez peur de partager dans les groupes. C'est parce que les gens vont vous reprendre. Les gens vont vous insulter. Les gens vont vous dire des choses. Et vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous êtes réellement consacré à Satan. Étant encore fils de Satan. Montre à Dieu que je ne suis plus fils de Satan. Je parle de toi librement. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est lui qui me confessera devant les hommes. Tu dois confesser Jésus devant les réseaux, dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Et puis, quand tu entres dans les réseaux sociaux, c'est pour aller faire un travail. Ce n'est pas pour aller se balader, parler avec les gens, se faire draguer parce que tu es une belle fille. Dieu n'a rien à faire avec ça, s'il vous plaît. Dieu n'a vraiment rien à faire avec ça. Nous devons se mobiliser. Maintenant, pour parler de Christ, pour annoncer l'évangile. Parce que les faux ont envahi. Et ils ont, parce qu'ils produisent des faux miracles, tout ça, tout ça. Vous versez tout votre argent. Et quand on vous dit, par exemple, une œuvre comme celle-ci, où nous sommes en train de mettre des plateformes ici, ici en Europe, des plateformes, pour pouvoir diffuser l'évangile partout dans le monde. Ici en Europe, pour pouvoir diffuser l'évangile partout dans le monde. Tous ceux qui sont, tous les serviteurs de Dieu, qui peuvent envoyer des vidéos de part et d'autre, nous voulons mettre des équipes et des représentants dans chaque ville du monde. Si tu es à Abidjan, tu nous écris, tu dis, moi j'ai déjà des enfants là-bas à Abidjan, tu dis, je vais vous représenter à Abidjan, au Congo, Brazzaville, je vais vous représenter, à Kinshasa, je vais vous représenter. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui représentons Jésus parce qu'on les appelle. Ce sont des kamikazes de Jésus-Christ. Ce sont des kamikazes de Jésus-Christ. Des kamikazes de Jésus. Des kamikazes de Jésus. Des gens qui s'en foutent. Tu m'insultes, tu insultes, tu insultes. C'est pas moi que tu insultes. Mais tu emporteras la peine. Tu m'insultes, je m'en fous, je continue. Je ne peux pas faire 27 ans que j'annonce l'évangile. 27 ans. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Je m'en fous. Et ceux qui ont raconté, d'autres même ont dit que Charles Sombé est mort. Ils sont morts avant moi. En 2011, ils ont annoncé partout. Ils se sont réjouis. Ceux qui sont réjouis sont déjà morts. Hein. La plupart sont déjà morts. Ils sont déjà morts, comme je vous le dis. Ils sont déjà morts. Mais je suis toujours vivant. Et quand tu te réjouis ou bien tu calomnies l'homme de Dieu, sache que tu vas payer. Tu vas payer. Ça ne finira pas comme ça. Tu vas payer. Vous savez pourquoi? Dieu pardonne le péché. Dieu pardonne le péché, mais il y a des conséquences du péché. L'apôtre Paul, quand Dieu l'avait pardonné, Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait pardonné. Et Dieu, Jésus-Christ dit à Paul ce jour-là, je te montrerai ce que tu dois souffrir sous mon nom. Pourquoi il annonce ça? Parce qu'il a fait souffrir. Il ira au ciel, mais tu vas souffrir. Tu as fait souffrir. Tu as fait souffrir des gens sur la terre. Tu as fait souffrir les gens sur la terre. Écoute-moi bien. Mais tu dois souffrir. Paul a été égorgé. Paul a été égorgé. Il a été persécuté, lapidé. Lui-même le dit. Lapidé. Mais il est au ciel. Mais sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Même si c'est pardonné, il y a toujours des conséquences. Même si le péché est pardonné, parce que les enfants de Dieu pensent que le péché est pardonné, est pardonné, Dieu efface. Oui, il efface, mais les conséquences sont là. Nous prenons un exemple. Lorsque tu vas avec une fille, tu vas avec une fille, tu es marié, je prends un exemple, tu es marié, tu vas avec une fille, et tu deviens même corps avec cette fille-là. Quand tu deviens même corps avec cette fille va connaître un homme dehors. Va sortir avec un homme sorcier dehors. Puisque tu es même corps avec cette fille, cet homme sorcier aura la possibilité de te tuer par le canal de cette fille. Est-ce que tu le sais? Aura la possibilité de tout voler, de détruire même ton foyer. Aura la possibilité d'injecter des maladies dans ton corps. Aura la possibilité de détruire tes finances, de détruire tes entreprises. Aura la possibilité de gérer ton esprit. De gérer ton âme. L'homme qui couche avec la même fille qui couche avec toi. Je m'adresse aux hommes, et c'est comme ça que ça marche dans le satanisme. L'homme qui couche avec la même fille qui est sorcier là, mais toi tu ne sauras pas que cette fille-là couche avec un homme. Tu ne le sauras pas. Puisque elle sort, tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Quand tu n'es pas là, tu n'es pas avec elle. Elle fait des choses dehors, elle rencontre des personnalités, elle rencontre des gens, tout ça, tout ça. Mais elle entre en contact sexuel avec ces gens. Directement, ces gens, ce sont des satanistes, en principe, la plupart. Des illuminatistes, tout ce que vous pouvez, des sorciers, des pratiquants de magie et autres. Ces gens entrent en contact également avec toi, avec ton corps. Être en contact avec toi, avec tout ce que tu fais. Ils ne touchent pas le corps de cette fille-là. Ils savent déjà ce que tu es, ce que tu fais. Ces gens ont la possibilité d'entrer dans ton foyer pour détruire ton foyer, pas le canal de cette fille. Ces gens ont la possibilité de détruire ton argent, de détruire tout ce que tu fais, parce que tu es consacré, pas le canal de cette fille, tu es consacré. À ce sorcier, tu es consacré à ce sorcier. Y compris les femmes mariées qui vont sortir avec un homme. Quand il va sortir avec un homme, tu vas sortir avec un homme alors que tu es marié. Sache que tu es introduit dans le foyer. Tu es introduit dans, parce que c'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui pêche contre son corps, au niveau de l'impudicité. Tu pêches contre ton corps. Parce que c'est ton corps qui est détruit, c'est ta vie qui est détruite. C'est ta vie qui est détruite. Donc pour une femme mariée qui va avec un homme marié, elle livre déjà son foyer, elle livre déjà l'argent, les richesses de son foyer, les prospérités de son foyer. Tout ce qui existe dans son foyer est déjà détruit par rapport à l'acte, que ce soit pour une minute seulement, je dis bien une minute seulement, que tu as eu des rapports, un rapport d'une minute seulement avec cet homme, avec cette femme, détruit tout ton foyer, détruit ta vie. Un rapport sexuel dans les rêves, un rapport sexuel dans les rêves, alors que tu es marié. L'homme en question ou la femme en question qui couche avec toi détruit beaucoup de choses dans ton foyer, dans ta vie. Et si tu n'es pas marié, tu as aussi un futur mari ou bien une future femme que tu vas épouser. Un futur mariage et c'est vice-versa. Pour un enfant de Dieu qui vit ces choses dans les rêves, sache que c'est une réalité. Pour un enfant de Dieu qui parle avec des morts dans les rêves, c'est une réalité que tu étais en contact avec l'esprit de mort. Que tu étais en contact avec l'esprit de mort. C'est différent entre l'esprit de mort et l'esprit de mort. Pour un enfant de Dieu qui mange dans les rêves, pour un enfant de Dieu qui boit dans le rêve, que ce soit de l'eau simple, c'est une consécration. Tu es réellement consacré et tu es en contact. Pour un enfant de Dieu qui se fait caresser dans les rêves, pour un enfant de Dieu qui n'est pas encore marié et qui vit dans la fornication avec des hommes, avec des femmes, pour un homme qui n'est pas marié mais qui vit dans la fornication, pour une fille qui n'est pas mariée mais qui vit dans la fornication avec des garçons à gauche, à droite, on te caresse, on caresse. Il y a une fille qui a confessé qu'elle disait, elle est fille. Elle couchait avec d'autres filles. Elle couchait avec d'autres filles. En couchant avec d'autres filles, elle suçait les seins de cette fille-là. Elle, son sexe qui apparaissait, c'était le sexe d'un homme. Elle prenait le sexe des hommes. Les hommes qu'elle avait des rapports sexuels physiques avec ces hommes-là, ayant des rapports sexuels physiques avec ces hommes, elle prend ton sexe. Et toi, tu vas constater bien après que tu n'as plus d'érection, une érection normale. Tu n'as plus une érection normale. C'est cette qualité qui doit vivre avec des Viagra, avec des choses semblables. Il faut qu'elle mange, que la personne mange des trucs avant d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Tu n'as plus réellement ton sexe normal. Mais elle prend ton sexe dans la sorcellerie. Elle va coucher. Et quand elle couche avec une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suce ses seins. En suçant les seins, elle introduit quoi? Le cancer. Et tu vas développer le cancer des seins bien après. Et tu ne sauras pas que c'est à cause de ses rêves. Et quand tu iras à l'hôpital, on dira à l'hôpital, madame, tu as un cancer de sang. Tu as un cancer de sang, tu ne sais pas pourquoi et comment ce cancer est arrivé. Tu ne le sauras jamais. Et puis tu vas mourir ou bien on va couper parce que tes seins ont été consacrés. Le jour que cette fille avait sucé ce sein-là dans les rêves, tu ne sauras même pas que c'est elle. Tu verras que c'est un homme qui a des rapports sexuels avec toi. Or, c'est une fille qui a des rapports sexuels avec toi. C'est une sorcière, ça peut être ta cousine, ta tante, ta soeur, etc. On va s'étaler là demain parce qu'on entre déjà réellement vers la phase finale. Demain soir, puisque je ne serai pas en direct avec le Cameroun, mais préparez vos téléphones en ce qui concerne ceux qui viennent au Temple de Nation, puisqu'ils n'ont pas que samedi dans la soirée. Mais préparez vos téléphones à partir de 19h, heure du Cameroun, et également 20h, heure de Paris. Parce que nous allons entrer dans beaucoup de détails. Nous allons toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous devez partager cette vidéo et également entrer dans le compte, c'est-à-dire dans notre site www.lemondesurnaturel.net. Lemondesurnaturel.net. Et à partir de cet instant, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez votre sacrifice. Vous donnez votre sacrifice parce que nous devons payer Facebook par jour 200, 300, 400, 500, 600 dollars. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu américain qui disait qu'il, quand il commençait son ministère, il dépensait 500 000 dollars par jour, demi-million de dollars par jour. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait que des médias comme les radios, les télévisions et autres. Et il dépensait 500 000 dollars par jour, rien que pour les radios et autres dans le monde. Nous devons aussi dépenser beaucoup d'argent afin de ne pas laisser la place aux faux qui viennent produire des bêtises pour amener les gens à blasphémer, selon les images qui ont été présentées tout à l'heure. Et si je l'avais déjà dit auparavant, si vous aviez déjà blasphémé contre le Saint-Esprit quand vous étiez païen, vous devez aller voir ou bien vous appeler ou vous parler avec l'homme de Dieu en disant « Prie pour moi parce que j'avais blasphémé contre toi quand j'étais païen. » Et si tu es dans la même ville, dans le même pays, va le voir, il va t'imposer les mains. Et si tu ne le fais pas, tu ne t'es pas repenti. Parce que Dieu ne pardonne pas. Je m'adresse à ceux qui étaient encore païens. Mais ceux qui sont déjà des enfants de Dieu et qui ont blasphémé en appelant. Même si un homme de Dieu paie, ça ne veut pas dire qu'il est du diable. Ça ne veut pas dire que les miracles qu'il faisait venaient du diable. Et voilà où le diable pousse les gens réellement à blasphémer, surtout les chrétiens de nouveau, à blasphémer contre le Saint-Esprit pour qu'ils commettent le péché que l'apôtre Marc a appelé le péché éternel, éternel, qu'on ne peut plus pardonner. Pour un enfant de Dieu, on ne peut plus pardonner. Même si tu te répands 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois, il n'y a plus de pardon. Ta destination, c'est l'enfer. Il faut que ça soit enseigné aux gens. Arrêtez de juger. Il y a des gens qui ont réellement le ministère, c'est-à-dire pour pousser les gens à juger, à condamner avant le temps. La Bible le dit, arrêtez de condamner, arrêtez de juger avant le temps, parce que vous n'êtes pas Dieu. Il faut faire vraiment très attention. Il y a des gens qui sont même avec vous dans la même assemblée. Ce sont des agents de Satan, mais vous ne le savez pas. Ils peuvent même vous détacher de votre père spirituel en l'appelant diable, en l'appelant ceci, et puis vous le suivez. Et vous allez vous rendre compte trop tard, ça sera en enfer, que réellement vous avez suivi Satan lui-même, pas le canal de cet homme, pas le canal de cette femme. Alors que c'est lui qui était Satan, mais pour vous amener à blasphémer, il va vous dire, lui-là, parce qu'il a commis, tout le monde pêche. Tout le monde. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, mais des serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas la grâce que nous restons debout. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas par nos efforts, parce que nous sommes saints, comme les autres veulent le faire croire aux gens, que c'est parce qu'eux, ils sont ceci. C'est faux. C'est de la fausseté. Ce sont des mensonges. Ils sont dans les premiers menteurs. Parce que c'est ce que la Bible disait tout à l'heure. Il faut que nous puissions faire vraiment attention par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et nous devons se mettre ensemble par le canal de cette plateforme pour pouvoir réellement amener l'évangile dans le monde entier, sur les quatre coins du monde. Partagez, n'oubliez pas cette grande retraite de prière et de délivrance qui va commencer le 15 novembre, 3 jours, 3 jours. Et après, ceux qui seront inscrits, après, ils seront suivis. Ils seront suivis. Vous appelez sur l'un des numéros. Vous appelez sur ces numéros-là. Et puis, ou bien vous entrez, vous prenez le numéro, vous mettez ça sur WhatsApp et puis vous envoyez le message pour s'inscrire. Il faut s'inscrire maintenant parce que si vous êtes inscrit maintenant, on va commencer à vous suivre maintenant. On va vous écouter sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous arrivez, vous venez à la retraite, le jour J, on commence donc à prier pour vous, à vous écouter également et à détruire tous les engagements sataniques, les consécrations, tout ce qui sera discerné dans votre vie. C'est le ministère que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le ministère de la délivrance, le ministère de le ministère de le ministère. Donc, ce n'est pas des choses que nous racontons comme ça, parce que j'ai vécu ça étant païen. J'ai vécu là-bas étant païen. Et en sortant, il y a ce qu'on appelle la détection, il y a aussi ce qu'on appelle le discernement. Les deux marchent ensemble. La détection, c'est la connaissance, ce que tu connais. On ne peut pas détecter si on n'a pas la connaissance. Il y a la détection, il y a le discernement. Le discernement est donné par Dieu et le discernement fonctionne également avec la détection, avec la connaissance. Si on ne connaît pas, on ne peut pas avoir le discernement. C'est pratiquement impossible. Voilà donc le 8 novembre également, il y a cette grande veillée à Lyon. L'adresse figure sur notre vidéo, au-dessus de cette vidéo, et également le culte spécial de ce dimanche où nous allons passer à l'acte pour détruire tout ce qui a été fait. Si tu avais blasphémé contre le Saint-Esprit, si tu avais ceux qui étaient déjà païens, ou bien n'importe que vous venez ce dimanche en nation à Paris, vous allez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. Et aussi d'autres consécrations que vous aviez pu discerner. Et même en même temps, le problème de la nouvelle naissance. Si vous savez que vous n'étiez pas né de nouveau, effectivement, comme la Bible l'a enseigné, comme j'ai révélé tout à l'heure, vous devez être là ce dimanche si vous êtes à Paris ou bien à Yaoundé, dimanche à Yaoundé, au Temple de Nation, à Douala, au Temple de Nation. Vous verrez les adresses et partout pour confesser votre foi, pour identifier votre péché originel, des malédictions originelles. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, verset 16, toutes les condamnations que Dieu avait prononcées sur Adam et Ève, ces condamnations, nous prenons part à ces condamnations, nous sommes couverts par ces condamnations aussi. Il faut les identifier pour que nous soyons délivrés. Si nous ne sommes pas, si ces condamnations ne sont pas identifiées, nous ne sommes pas du tout délivrés. La terre sera toujours maudite. Vous quittez le Cameroun, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous arrivez en France, la terre de la France sera toujours maudite. Vous quittez votre village, vous arrivez à Yaoundé, vous quittez d'une ville à l'autre, un quartier à l'autre, la terre sera toujours maudite. La terre de votre mariage sera toujours maudite. La terre de vos entreprises sera toujours maudite. Parce que Dieu avait maudit la terre d'Adam. Et nous sommes membres par le canal du sang qui a coulé dans les veines d'Adam. C'est le même sang qui coule également dans nos veines aujourd'hui. Et alors, ce sont les mêmes alliances, ce sont les mêmes consécrations, ce sont les mêmes péchés, ce sont les mêmes malédictions. Il faut que tout cela soit identifié afin que ces malédictions, ces consécrations soient également détruites. Et c'est pourquoi vous êtes assis dans les assemblées et ceux qui vous demandent de rester dans vos maisons en écoutant seulement les serviteurs à la radio ou bien à la télévision ou bien par les réseaux sociaux sont des trompeurs, ce sont des agents de Satan. Vous devez quitter vos maisons après avoir écouté comme ça. Le dimanche, vous venez au temple et vous avez l'adresse du temple de Paris sur cette vidéo. L'adresse est celle-ci, 8 rue des Gaillards, au 95 140 Gare des Gonesse, c'est à Paris. Et en même temps, vous allez donc venir à partir de 9h jusqu'à 13h. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez la vidéo au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.